J'entends que tu n'es en tête, j'ai déjà plus rien à fêter. Tant pis si on s'aide, mentir. Les intempéries vont m'aider, j'ai déjà presque oublié. Tant pis si on s'aime, tant pis. J'enlèverai bien le vol invisible qu'a sur les yeux des ignorants. J'enlèverai bien l'angoisse d'une mère qu'attend son fils la boule au ventre. J'aimerais meubler toutes les pièces tristes et vides de ton appartement. J'aimerais pleurer seul dans cette grande avenue sans m'inquiéter du monde. Ces hommes ne m'inspirent que le mal, je vois pas comment je pourrais les vénérer. Je regarde la caisse accidentée, pourtant j'avais le temps de décélérer. Un mot de travers, je prends sur moi, je sens tous mes poils qui s'hérissent. 44 dans la bouche, j'appuie, je t'envoie savoir si Dieu existe. Les flammes, personne n'y résiste. La nuit, je sens ce besoin d'exil. La violence et la frénésie nous mènent au cimetière ou à l'asile. Je penserai des merveilles au pied du sapin. C'est pas la fin, non, c'est la gourmandise qui fait entrer armée dans un magasin. Les masques tombent en vue des bénéfices. En m'élevant dans le ciel, je laisserai cette putain de pierre à l'édifice. À chaque promesse, nouvel apprentissage, à chaque faiblesse. Les mal intentionnés me tournent autour. On prend le mal à la racine et pas aux branches. Réussir c'est aussi se retrousser les manches. Le monde entier pourrait se tourner contre nous. Tant que notre amitié reste forte et étanche. Tant mieux si le sauveur du monde vient de naître. Si l'apocalypse doit avoir lieu demain. Tant pis s'il n'en reste qu'un à la fin. Ta fin ne fera jamais peur à ma fin. J'entends tu n'es en tête, j'ai déjà plus rien à faire. Tant pis si on s'aide, mentir. Les intempéries vont m'aider, j'ai déjà presque oublié. Tant pis si on s'aime, tant pis. J'entends tu n'es en tête, j'ai déjà plus rien à faire. Tant pis si on s'aide, mentir. Les intempéries vont m'aider.